Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent : « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?